Conte de fées en français. Pousselina. Il était une fois une jeune femme qui vivait toute seule. Elle avait toujours voulu avoir une fille, depuis le temps où elle-même était une petite fille. Un beau matin, elle pleurait en arrosant les plantes, regrettant dans ses pensées de ne pas avoir de petite fille avec qui jouer. Une bonne fée apparut alors devant elle. Que se passe-t-il, mon enfant? Pourquoi pleures-tu? Il me tient vraiment à cœur d'avoir une petite fille. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire où en trouver une? Je suis impuissante. Oh, ne t'inquiète pas. Je peux t'aider très facilement. Avec ses pouvoirs magiques, la bonne fée fit apparaître une graine devant elle. Mon enfant, tu vois? Ceci n'est pas une graine ordinaire qui pousse dans une ferme. Cette graine a besoin de beaucoup d'amour et de chaleur. Sème-la dans un pot de fleurs et attends de voir ce qu'il se passe. Surtout, n'oublie pas de lui donner toujours assez de lumière. Oh, merci, ma bonne fée. Tu es si généreuse. Elle planta la graine dans le pot. Elle mit le pot devant une fenêtre pour capter assez de lumière. Rapidement, la graine poussa en une grande fleur qui ressemblait beaucoup à une tulipe. La jeune femme la nourrit d'amour et l'arrosa chaque jour. Un jour, elle déposa un baiser sur l'un des pétales encore à moitié fermé. Et comme par magie, la fleur s'ouvrit complètement. À l'intérieur était assise une belle jeune fille, pleine de grâce et de délicatesse. C'est mon enfant, c'est ma fille. Je vais l'appeler Pousselina, parce qu'elle n'est pas plus grande que la taille de mon pouce. Je suis ta mère, mon enfant, et ton nom est Pousselina. La fleur lui avait donné la fille dont elle avait toujours rêvé. Elle avait une coque de noix qui lui servait de berceau. Des pétales de violette faisaient office de matelas et elle tirait sur elle un pétale de rose en guise de couverture. Pendant la journée, elle jouait dans une barque faite d'un pétale de tulipe qui flottait dans une assiette remplie d'eau. Et elle ramait d'un bord à l'autre à l'aide de deux avirons faits de crins de cheval blanc. C'était vraiment très joli à regarder. Une nuit, elle s'endormit rapidement dans sa coque de noix. Une grosse grenouille sauta dans sa chambre par un trou dans la fenêtre vitrée. Comme elle est jolie! Elle ferait une épouse tellement parfaite pour mon jeune fils! Et elle emporta avec elle la coque de noix dans laquelle la petite dormait, avant de déposer Pousselina sur une feuille de nénuphar au beau milieu de l'étang. On l'a mise sur une feuille de nénuphar. Elle ne pourra jamais nous échapper maintenant. Abandonnée à elle-même sur le nénuphar, Pousselina s'assit et se mit à pleurer. Elle ne voulait pas du tout que l'horrible fils de la grenouille devienne son mari. Pas question que je t'épouse. Tu ne peux pas me faire ça. Pendant ce temps, la maman de Pousselina essayait de trouver sa fille dans tous les coins de la maison, mais elle ne parvint pas à la retrouver. Un banc de poissons vint nager dans l'eau juste au-dessous d'elle. Ils venaient de voir la grenouille et d'entendre leur conversation. Ils étaient vraiment désolés pour elle. Alors ils décidèrent de l'aider. À ce moment-là, la grenouille et son fils étaient occupés à préparer l'organisation du mariage. Les poissons se regroupèrent autour de la tige verte et la grignotèrent avec leurs dents. La feuille se sépara alors de sa tige et Pousselina commença à voguer. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très gentil. Pousselina partit alors, loin, loin, loin des grenouilles, là où elle ne pourrait pas la retrouver. Pousselina vogua en de nombreux endroits. Quand les petits oiseaux la voyaient, ils disaient « Quelle jolie jeune fille !» Lorsque la nuit tomba, elle s'enveloppa dans la feuille et s'endormit. Mais le lendemain matin, elle se réveilla à un endroit où le soleil illuminait l'eau et la faisait ressembler à de l'or brillant. Elle se dirigeait vers la fin du courant. Et c'est alors qu'un gros insecte volant passa par là. « Quelle jolie fille! Je dois la sauver !» Immédiatement, il l'agrippa de ses pattes et l'entraîna loin, loin, loin d'ici. « Où m'emmènes-tu, monsieur l'insecte ?»« Je t'emmène chez moi !» Au bout d'un moment, quand ils arrivèrent à la maison de l'insecte, tous les autres insectes qui vivaient dans l'arbre descendirent voir qui était là. « Les amis, regardez cette jolie jeune fille. Je vais me marier avec elle. »« Mais elle n'a que deux jambes. Quelle chose affreuse à regarder. »« Et regarde ça. Elle a deux mains. »« Quelle honte! Elle ressemble à un être humain. Qu'est-ce qu'elle est moche !» L'insecte finit par tomber d'accord avec les autres. Et dans sa colère, il l'abandonna quelque part au fond des bois. L'hiver approcha. La neige commença à tomber. Et la pauvre petite fille se mit à trembler de froid. Il faisait terriblement froid pour elle. Elle marcha beaucoup et longtemps pour trouver à manger et un abri. Elle trouva enfin une petite maison. Elle alla à l'entrée de la maison et frappa à la porte. De là, sortit une petite souris des champs qui vivait dans cette maison. « Qui es-tu, pauvre petite chose ?»« Ah, je me suis perdue dans les bois. J'ai vraiment très froid et je n'ai rien à manger. Peux-tu m'aider, s'il te plaît ?»« Je vis seule ici. Tu peux entrer dans ma maison et partager mon dîner. Tu seras au chaud ici. » Mais avant ça, quel est ton nom? Je m'appelle Pousselina. Pousselina entra. La maison était bien chauffée et confortable, avec une pièce remplie de grains et aussi une cuisine avec un cellier rempli de nourriture. Merci de partager ton repas avec moi et de me fournir un endroit pour dormir. Tu peux rester avec moi tout l'hiver. Madame Souris, tu es vraiment très gentille. La souris était si fascinée par la beauté de Pousselina qu'elle aurait voulu qu'elle reste chez elle pour toujours. C'est le week-end et nous allons avoir un visiteur aujourd'hui. Une fois par semaine, mon voisin vient me rendre visite. Bientôt, on sonna à la porte. C'était une taupe. Elle leur rendit visite dans son manteau de velours noir. La taupe entendit la voix de Pousselina et en tomba amoureuse tant elle était douce. Elle décida de l'épouser. La taupe alla alors voir la souris et dit « Je te donnerai toute ma nourriture ainsi que ma maison, mais seulement si tu me maries à cette jolie jeune fille. » Madame Souris ne put pas dire non à la riche taupe. « Très bien, je vais commencer les préparatifs alors. » « Oui. » Pousselina ne voulait pas se marier avec la taupe. Alors le matin suivant, elle décida de s'enfuir. Tandis qu'elle errait dans les bois, elle croisa un moineau blessé étendu dans la forêt. Le pauvre oiseau, il doit être mort de froid. En s'approchant un peu, elle vit que le moineau était vivant. Il était juste blessé. Est-ce que ça va, petit moineau? Oh non, il saigne. Pousselina décida d'aider le petit oiseau et trouva des bandages et des médicaments pour le moineau. Ne t'inquiète pas, petit moineau, ça va aller maintenant. Le petit moineau put voler dès qu'elle eut fini de mettre les bandages. Au revoir, joli petit oiseau. Merci, ma jolie petite enfant. Je n'oublierai jamais ça. Comment puis-je t'aider? Bientôt, elle vit la souris et la taupe approcher et crier son nom. Pousselina, oh, où es-tu? Quand Pousselina entendit leur voix, elle dit au moineau. La souris veut que je me marie avec la taupe. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'emmener quelque part loin d'eux? Je ne veux pas me marier avec la taupe. J'ai un plan. Allez, monte vite sur mon dos. Allez, allons-y. Au revoir, Madame Souris. Merci pour tout. Je t'aime fort et je n'oublierai jamais ça. La taupe et la souris furent surprises de voir Pousselina s'envoler au loin. Le moineau l'emmena dans un endroit couvert de fleurs, où l'on pouvait trouver toutes sortes de fleurs et où les oiseaux chantaient. C'est vraiment trop beau ici. Comment s'appelle cet endroit? Ça s'appelle le pays des fleurs. Quant à moi, il est temps de repartir. Merci, petit moineau. Tu es le meilleur. Pousselina était très heureuse. Je me sens chez moi ici. Ces fleurs sentent tellement bon. Les oiseaux ont un chant si doux. Et presque aussitôt, elle se souvint de sa vraie maison. Comment sa mère la fit grandir avec son amour? Elle se sentit très triste et voulut rentrer à la maison immédiatement. Mais soudain, apparut le roi du pays des fleurs. Quand il vit Pousselina, il tomba amoureux d'elle. « Je suis le roi du pays des fleurs, et toi, tu es la plus jolie jeune fille que j'ai jamais vue. Accepterais-tu de m'épouser et d'être ma femme? Je ferai de toi la reine du pays des fleurs. » Pousselina réfléchit pendant une minute. Ici, enfin, ce genre de mari se montrait différent du fils de la grenouille, de l'insecte ou encore de la taupe au manteau de velours noir. Oui, mais seulement si tu me ramènes auprès de ma maman et que tu acceptes que nous vivions ensemble tous les trois. Il accepta et apporta aussi des cadeaux à Pousselina. Le meilleur des cadeaux était une paire d'ailes qui avait appartenu à une immense mouche argentée. Quand ses ailes seraient fixées sur son dos, elle pourrait alors voler de fleur en fleur. Ils se marièrent peu après. Après le mariage, le roi et Pousselina s'envolèrent pour aller retrouver la maison de sa maman. La mère de Pousselina fut vraiment très heureuse de la retrouver. Oh, Pousselina, tu ne peux pas savoir comment je suis contente que tu sois de retour. Je ne te laisserai plus jamais t'éloigner de moi maintenant. Je ne te quitterai jamais, maman. La mère les accueillit tous les deux et ils vécurent tous très heureux pour toujours.